Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons poursuivre sur le créneau des conférences, mais à plus grande échelle avec le congrès Eau, Terre, Environnement. Il est organisé par les étudiants gradués du Centre Eau, Terre, Environnement de l'INRS et il aura lieu du 4 au 6 novembre prochain au Musée de la Civilisation de Québec. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Alexandre Royer-Lavallée qui coordonne le comité organisateur. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre, qu'est-ce que c'est le congrès Eau, Terre, Environnement? Donc c'est un congrès scientifique qui est organisé par les étudiants du Centre Eau, Terre, Environnement. Mm-hmm. Ça se veut être une plateforme d'échange sur les recherches qui se font dans les domaines des sciences de l'eau, sciences de la terre et sciences de l'environnement. Et c'est aussi les expertises justement du Centre Eau, Terre, Environnement de l'INRS. Donc le congrès s'adresse surtout aux étudiants, aux professeurs, aux chercheurs du milieu académique ou entrepreneurial, mais aussi aux gens qui sont intéressés par la recherche scientifique qui se fait en environnement et au Québec. Oui. Et est-ce qu'il y a un thème qui est particulier qui est abordé lors de cette deuxième édition? Oui. Donc, cette année, le congrès va porter sur le thème général du changement global, comprendre et s'adapter. Et il est décliné en quatre sous-thèmes. D'abord, la compréhension des cycles géologiques et biogéochimiques. Ensuite, la perturbation des écosystèmes, la transformation du climat et finalement, l'adaptation de la société. Et pour chacun de ces sujets, on a invité un conférencier invité qui est expert dans le domaine pour faire un exposé, pour introduire chaque session de présentation. Et qui sont ces conférenciers qui vont donner ces conférences, en fait? Donc, on a d'abord, comme président d'honneur cette année, on a la chance de recevoir le professeur honoraire de l'INRS, M. André Tessier, qui se spécialise en biogéochimie et aussi sur les métaux traces dans les environnements aquatiques. Puis peut-être un petit fait intéressant à ajouter, c'est celui qui détient le record pour l'article scientifique le plus cité au Centre T de l'INRS. Okay. Mm-hmm. On va aussi recevoir la professeure Sophie Duchesne, aussi du Centre Eau, Terre, Environnement de l'INRS, qui travaille en hydrologie, et sur les infrastructures urbaines. Elle va introduire la session sur l'adaptation de la société. Ensuite, il y a le professeur de l'Université du Québec à Rimouski, M. Richard Saint-Louis, qui est professeur en chimie environnementale, qui va donner une conférence sur la prévision des impacts environnementaux d'un déversement de pétrole dans le Saint-Laurent. Mm-hmm. Et finalement, il y a deux chercheurs des deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, en environnement, qui seront parmi nous. Des ministères de l'environnement, c'est ça? Oui, c'est ça, de l'environnement. Donc d'abord, M. Marco Liffrein, du Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, qui va présenter le laboratoire d'analyse spécialisée aéroportable, donc qui est déployé quand il y a des déversements majeurs. Et ensuite, M. Ross Brown, d'Environnement Canada, qui va parler de l'évolution du couvert de neige en Arctique. Et qu'est-ce qui est au programme à part de ces conférences? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, donc il va y avoir 22 étudiants et chercheurs qui vont faire une présentation orale de leurs travaux de recherche et 11 autres qui vont faire sous forme d'affiches. Et sinon, en parallèle, on a organisé des activités un peu plus informelles. Il va y avoir le vendredi soir, le 4 novembre, la projection du film Demain, qui est vraiment un grand succès pour un documentaire environnemental, qui va avoir lieu au musée. Et aussi, le samedi soir, le 5 novembre, il va y avoir une soirée de jeux scientifiques à la Corrigan, dans Saint-Roch. Intéressant. Donc, ça va être ouvert à tous si jamais vous voulez vous joindre à nous. Ça va être le samedi soir, puis il va y avoir des jeux pour tester les connaissances scientifiques, un tirage de présence, donc ça, le tout dans une ambiance festive. Et comme tu disais, le congrès sort du musée et va dans les bars, mais en quoi consistent ces jeux scientifiques dans les bars? Ben en fait, on a voulu il va y avoir peut-être deux volets. On voulait faire un concours pour les scientifiques, pour qu'ils présentent leur projet, mais sous forme différente au lieu de l'exposé oral ou par affiche. Je l'annonce en exclusivité, oui, parce qu'on l'a pas encore annoncé, mais on voulait faire un concours de dessine ta thèse. Je sais pas si il y a le concours ma thèse en 180 secondes, oui, qui est très connu, donc oui, les étudiants doivent présenter en 3 minutes leur projet de recherche. Oui, mais vulgarisé en 180 secondes. Exactement, donc on voulait faire un peu différent, que les gens dessinent leur projet. Ben, c'est intéressant. Donc ça, c'est un des trucs. Puis aussi, on voulait faire peut-être des expériences scientifiques que tout le monde pourrait faire. Pour essayer de se vulgariser la science, puis mais c'est on garde la surprise, mais donc si ça vous intéresse, vous pourrez venir le samedi à la Corrigan. Et en dehors de ces activités en soirée, est-ce qu'il y a des choses organisées pour le grand public, par exemple? Ou est-ce qu'il y a aussi, est-ce qu'il faut aussi idéalement avoir une formation scientifique pour participer à ça? Ou... Ben c'est principalement les deux activités de plus grand public qu'on organise. Uh-huh. Sinon le reste du congrès, c'est sûr que ça s'adresse majoritairement à un public scientifique ou qui a des connaissances en sciences. Uh-huh. Donc c'est certains sujets conseils qui pourraient être un peu moins accessibles pour un auditoire qui a moins de connaissances sur le sujet, mais par contre à ce moment-là je vous invite plutôt le samedi à la Corgane si vous voulez vous joindre. Ce sera quand exactement et où? Donc, ça va être les 4, 5 et 6 novembre prochain au Musée de la Civilisation. Oui. Donc, cette année, l'année passée, c'était à la Nef dans Saint-Roch, mais on a décidé cette année de le faire au musée pour profiter des installations en place, l'auditorium, entre autres, les services de traiteurs, les services audiovisuels. Et puis, les participants aussi auront accès aux expositions en cours au musée. Puis, donc, c'est un vraiment bel espace. Donc, on est très chanceux cette année d'y être. Oui, c'est un fait. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'inscriptions jusqu'à présent? Oui, donc, on a 112 personnes inscrites en date d'aujourd'hui. Puis, des gens qui viennent ben, d'abord de Québec, de l'INRS ETE, mais aussi de l'Université Laval, de l'Université du Québec à Rimouski, de l'Université du Québec à Chicoutimi, puis aussi des gens d'entreprises et de ministères. Mm-hmm. Et finalement... pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Donc, en fait, vous avez jusqu'au 30 octobre prochain pour vous inscrire. Vous pouvez visiter notre site Internet pour aller chercher toute l'information pour vous inscrire aussi. Je vous conseille de taper sur Google « Congrès hauteur environnement ». Ça va être le premier, qui va apparaître, le premier site qui va apparaître. Et puis, on a aussi une page Facebook qui s'appelle « Congrès hauteur environnement ». Peut-être en terminant, j'en serais peut-être un petit appel. On aimerait organiser à la fin du congrès un événement de réseautage pendant le cocktail de clôture. Et donc, ben, si vous êtes un représentant d'entreprise en sciences d'environnement ou un entrepreneur en sciences de l'eau, en sciences de la terre, en sciences d'environnement, et que vous désirez participer pour recruter des stagiaires ou des employés, ben, je vous invite aussi à nous contacter. Ben, merci beaucoup, Alexandre, puis on vous souhaite un excellent congrès. Merci beaucoup. Alors, on va faire une pause publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, nous serons en compagnie de Cyril Barrette qui va nous parler des comportements acquis et innés.